la paix est faite déjà. Je ne les ai jamais lâchés. C'est mes copains, je les aime bien. Pour chahuter, pour rigoler, ils m'ont tapé avec leurs pieds. Beau mec, t'es qui tu? Toi tu puis, connard, idiot, la club d'Africo, wow, wow, fiche-nous, la paix est faite déjà. Aïe, aïe, j'ai mal à l'hôpital, c'est qu'il voulait m'ont cassé le bras, je leur en veux pas. C'est mes copains, je les vois demain. Bon mec, détis-tu, casse-toi du but. Connard, idiot, à qui on est dico. Oh, oh, fiche-nous, la paix est faite déjà. Mais il le sait, t'inquiète, il le sait bien qu'il fait n'importe quoi, c'est histoire de dire hop hop hop, mais je m'en fous, je suis autiste, nananère. Radieuse, t'équipe.